Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Harlem, grandeur et misère de l'un des quartiers les plus célèbres au monde. Si vous faites une comparaison entre Harlem et Wall Street, c'est comme si vous faisiez une comparaison entre l'Angleterre et la Nigérie, ou bien entre la France et l'Algérie. C'est-à-dire la brèche entre ce qui existe dans cette communauté et ce qui existe dans les autres quartiers de New York est extrêmement énorme. L'écart est énorme entre Harlem et d'autres quartiers de New York, nous dit Kathy Collins, une jeune noire qui travaille à l'époque, en 1967, qui travaille avec le maire John Lindsay pour sortir Harlem de sa pauvreté. Mais l'histoire d'Harlem est l'histoire d'un quartier qui ne cessera de se transformer. Et si l'Harlem d'aujourd'hui connaît un certain embourgeoisement, il ne fait en fait que revenir à ses origines bourgeoises de la fin du 19e siècle, au moment où Harlem était une banlieue cossue et blanche de New York. Ce chanteur des rues, pour moi, c'est vraiment Harlem. C'était sur Madison Avenue, je crois, en face d'une boutique des gitans, parce qu'il y a des gitans même à Harlem. Il y avait sur la vitrine une énorme main avec les lignes de la main bien dessinées. Et lui, il était là avec son micro et son ampli. Parce que bien que chanteur des rues, évangélique et mendiant, il avait son amplificateur pour sa guitare et pour son micro. Et ça se passait là, il y avait des gens qui jouaient aux échecs tout près, et une multitude de gosses comme dans toutes les rues de Harlem. Vous savez, les enfants noirs sont toujours adorables, ils ont des jeux extraordinaires. Je me souviens, il y en avait qui essayaient de s'empiler dans une caisse en carton le plus grand nombre possible, jusqu'à ce que la caisse éclate, bien entendu. Et ça, c'est le genre de choses qu'on voit tout le temps dans la rue. Et dans le fond, c'est le Harlem qui m'a tellement attaché. Moi, on vous parle toujours du Harlem, du crime, de la drogue, de l'endroit le plus dangereux des États-Unis, tout ça. J'ai passé un mois, je crois que je suis passé à côté de tout cela. Parce que moi, ce que j'ai trouvé là-bas, c'est le Harlem de la tendresse, du cœur. Le Harlem de la tendresse et du cœur, l'image est belle. Elle est du documentariste français Pierre-Dominique Guesso, extrait tiré de l'émission Reportage en 1963. Pour faire le portrait, pour faire l'histoire de ce quartier mythique de New York, je reçois Maryse Bachand, qui est professeure d'histoire américaine à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Maryse Bachand, bonjour. Bonjour. C'est assez extraordinaire ce qu'on vient d'entendre parce que ça nous montre, c'est Harlem en fait, décrit par Pierre-Dominique Guesso, c'est le Harlem des années 60, un Harlem qui vit dans les années 60 beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté, le crime est déjà là, mais qui reste, nous dit-il, un quartier très vivant, un quartier plein d'âme. Et ça montre, au fond, Maryse Bachand, que ce serait un peu le fil de cette émission, qui a cette image qu'on peut avoir d'un quartier, les stéréotypes associés autour d'un quartier comme Harlem, mais que la réalité, c'est, la plupart du temps, beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancée. Puis Harlem est un bel exemple de ça. Harlem, c'est un bel exemple de toute la richesse humaine concentrée avec ses misères et ses bons côtés aussi. Bon, c'est le foyer de la culture afro-américaine au 20e siècle. Et c'est très certainement un quartier de résilience. Oui, mm-hmm. avec ses creux, mais d'une très forte résilience ouais. afro-américaine. Et puis, une espèce d'équilibre. On y reviendra dans un instant, mais il y a une période assez large, mais les années 40 à 70, une période où Harlem vit la pauvreté. C'est pas encore le creux de la vague, mais quand même, beaucoup de pauvreté. Mais en même temps, ça montre bien là que c'est plus complexe qu'on peut le penser. Un Harlem pauvre, mais très... très vivant, très vif dans sa force politique. Ça va devenir un haut lieu de militantisme pour le mouvement noir américain. Commençons par le commencement. Moi, je ne le savais pas. C'est assez fascinant parce qu'encore une fois, on est avec ce cliché du Harlem ghetto noir où règne la criminalité et la pauvreté. C'est au 19e siècle. Et parlez-moi de ce Harlem du 19e siècle. C'est donc, au départ... Puis on le voit dans l'architecture du quartier, un quartier cossu, une banlieue cossue, blanche, de Manhattan. À quoi ça ressemble, ce Harlem, autour de quoi? 1870-1880? Harlem, c'est la première banlieue officielle de New York. C'est un quartier qui est créé au bout de la ligne de métro. Mm-hmm. En fait, qui sont des buts des trains en hauteur, éventuellement les métros là, souterrains. Et ce sont des spéculateurs immobiliers qui vont créer de toutes pièces, à partir d'une ancienne communauté rurale un peu abandonnée, ce quartier-là. Et on va construire des maisons, mais pas des maisons comme les autres, pas juste des petites maisons de banlieue ouvrière ou de classe moyenne. On va construire vraiment des palaces, des superbes maisons. On va créer une ville avec des grandes artères, des grandes avenues, mais aussi des tours à logement avec des ascenseurs, le gaz, toutes les commodités modernes. Ça inclut aussi des chambres de bonne. Donc, on planifie vraiment que ça va être des résidences de grand prix qui se vendent très bien au début. Mm-hmm. Et c'est des Blancs qui vont s'y installer. C'est des Blancs parce que ce ne sont que les Blancs qui ont les moyens de vivre là. Ouais. Des Blancs qui viennent souvent avec leurs domestiques mm-hmm. noirs. Mm-hmm. Et il y a une longue tradition à Harlem où la plus grande majorité de la population noire, ce sont des femmes, comme dans toutes les villes des États-Unis. Il y a plus de femmes, de travail pour les femmes, des travails de domestiques. Donc, c'est une majorité de femmes aussi. Et ce quartier-là est très intéressant. Les spéculateurs voient que ça va être une opportunité. Alors, on va encore développer le quartier un peu plus, en créant une espèce de bulle immobilière dans laquelle on va revendre les terrains très chers. Et assez rapidement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas assez de Blancs pour venir habiter parce que, bon, le marché est un peu morose. Ouais. Et on se retrouve avec des logements vides. Il y a des Noirs qui vont tenter de venir habiter dans ces logements-là. Pourquoi? Parce qu'ils habitent dans des parties un peu plus misérables de la ville et ils paient déjà, pour des logements très mauvais, un prix très, très élevé. Mm-hmm. Ils sont habitués de payer trop cher pour des mauvais logements. Et les Blancs vont commencer à voir arriver une petite quantité de Noirs, vont trouver ça pas si mal, mais plus le nombre augmente et plus on va se mettre à créer des espèces d'ententes en disant, vous n'avez pas le droit de louer à des Noirs vos logements, ou vous n'avez pas le droit de vendre à des Noirs ces logements-là. Donc, on va faire ces espèces d'ententes qui n'ont aucune valeur légale à cette époque. Mais il y a une résistance. Là, on se dit, oups, le quartier est en train de se transformer. Il y a trop de Noirs qui viennent s'établir à Harlem. Il faut résister à ça. Oui. Mais en contrepartie, les Noirs vont s'organiser aussi. Oui. Et notamment, on doit un ghetto n'est jamais construit par une seule personne, mais il y a un activiste derrière ça qui s'appelle Phil Payton, qui était une espèce de concierge ou de gestionnaire d'immeubles, qui va avoir l'idée de créer une compagnie, donc aller chercher des fonds pour acheter ses propres logements, qui va louer à des Noirs, qui va aller, dans le fond, à l'encontre de la règle, puis il va louer qu'à des Noirs respectables. Donc, sa manière de dire, c'est on va louer, mais juste à des gens bien, puis les immeubles vont rester en bon état. Et cette société-là ne va pas vraiment fonctionner d'un point de vue économique, mais ce que ça va faire, c'est que ça va créer un début d'acquisition des immeubles du quartier, notamment par des Noirs, mais surtout le début du départ des Blancs du quartier. Le quartier n'a pas tenu ses promesses, hein, et donc on n'a pas loué, on a des éléphants vides. Les Noirs vont de plus en plus aller habiter sur place. Donc là, c'est vraiment la transformation. Les Blancs, voyant que le quartier devient de plus en plus noir, que les Noirs s'organisent, vont décider d'aller ailleurs dans la région de New York, et le quartier, les Noirs vont investir. À Harlem. L'Église va être importante même dans cette organisation de la propriété noire d'Harlem, si on veut. On y revient dans un instant sur le rôle d'Église, mais encore une fois, juste un petit extrait de ce savoureux documentariste français, Pierre-Dominique Guessot, qui va justement, c'est en 63 qu'il nous en parle, qui nous parle justement de l'importance de l'Église dans Harlem. Oh, happy day! Oh, happy day! Il faut comprendre les choses. Ils travaillent toute la semaine chez les Blancs et ils travaillent pour les Blancs dans des postes, évidemment, généralement les moins bien rétribués et les moins, si vous voulez, moins agréables. Alors, quand ils rentrent, ils ont leurs trois jours, du vendredi soir au dimanche soir, alors c'est la fête. Et la fête, souvent, c'est l'église, parce que l'église, c'est le refuge, c'est le lieu de réunion. Ici passe tout, même des défilés de mannequins. J'ai vu des défilés de mannequins, moi, dans l'église de Suite de Digresse. Et puis alors, ils sont là. Et tout le monde chante, chacun vient faire sa prière. Donc on le voit, l'Église a une importance très très grande dans l'organisation de la vie sociale, dans l'aspect culturel. Elle est vraiment au cœur du quartier. De quelle manière ça va se manifester, cette importance de l'Église dans Harlem? Les églises qui existaient déjà dans d'autres quartiers de New York où se tenaient les Noirs, qui étaient toujours des quartiers, un peu des espèces de poches de pauvreté, vont voir une opportunité d'acquérir ce parc immobilier-là qui est en train de s'effondrer. Puis c'est des églises qui ont beaucoup de moyens parce que les Noirs ont toujours une très grande ferveur. Puis c'est le cœur de leur vie communautaire depuis les débuts d'organisation de communautés noires libres ou esclaves aux États-Unis. Et ces églises-là vont donc investir d'abord dans l'achat de leur propre terrain d'église, mais aussi d'immeubles qui deviennent une espèce de leur capital un peu derrière. Mais surtout, ils vont se mettre à exclure des Blancs des maisons dans dont ils vont être propriétaires et favoriser l'arrivée de leurs paroissiens. Mm-hmm. Donc, les églises vont donc investir et posséder une grande partie du territoire de Harlem. Les églises sont très nombreuses. Il y a quelques églises qui vont être très, très grosses, très riches. Mais les églises vont être souvent des petites églises très modestes. Mm-hmm. Hein? On parle de 140 églises. Dans une maison, là, il y a une église. Mais c'est pas des maisons, ce qui est très drôle, on les appelle les storefront church, là. Oui. C'est des églises dans les vitrines de magasins. Ah comme bon. On voit parfois sur la rue Saint-Hubert à Montréal, sur la plaza, on a quelques églises évangélistes qui sont là. C'est exactement comme ça, ces églises-là. 140 églises pour 150 pâtés de maisons. Donc, à tous les coins de rue, il y a une église. Et ce sont des églises qui sont de courte durée, qui déménagent constamment, mais qui vont chercher... Et c'est le centre de la communauté, au fond. Complètement. Ouais. Le cœur... des plus vieux. Hein? Faut toujours rappeler qu'il y a toujours... c'est le cœur de la vie des plus vieux, surtout. Les jeunes aussi, mais les jeunes vivent leur vie, mais c'est en vieillissant que les gens vont à l'église. Louis Armstrong et Duke Ellington, deux légendes d'Harlem, ça nous amène, Maryse Bachan, à parler de cet âge d'or d'Harlem, ce qu'on va appeler la renaissance d'Harlem, c'est les années 20, les années 30. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans Harlem? Les Noirs n'ont jamais vécu dans un aussi beau quartier que Harlem. Alors, c'est un lieu qui va attirer les Noirs de tout l'hémisphère. Donc, ils vont venir de la Jamaïque, d'Haïti, des Antilles, qui sont en train de connaître une période de décolonisation. Ils vont venir du Sud même. Il y en a des Noirs qui vont venir de l'Amérique latine, qui vont se retrouver du Sud des États-Unis, très important. 500 000 de Noirs qui migrent vers le Nord face à la misère économique, le lynchage, le racisme, la ségrégation. Et sur tous ces gens-là, les forces vives se retrouvent dans les villes du Nord et en particulier à Harlem, qui est un super quartier dans lequel vivent. Et c'est là, cette réunion de Noirs de partout dans l'hémisphère qui crée un bouillonnement culturel qui va être ce qu'on appelle la Renaissance de Harlem. L'espèce de point de l'iceberg qu'on connaît de ça, c'est le jazz. Mm-hmm. C'est le jazz de Duke Ellington, Louis Armstrong et autres. C'est Josephine Baker. Mm-hmm. Et ça, c'est la pointe, je dirais, plus presque pop, populaire de ce mouvement-là, qui est un mouvement très profond, des très grandes ramifications, dans lesquelles la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un noir en Amérique? Et à cette réponse-là, on va dire le noir a aussi beaucoup d'Afrique en lui. Mm-hmm. Donc, un retour vers le primitivisme, qui est dans tous les arts, et Picasso qui va connaître sa période primitive. C'est un moment où on s'intéresse à ça, mais les Noirs vont se plonger là-dedans et ils vont tout fouiller leur histoire, l'histoire de la traversée sur les bateaux, les rébellions d'esclaves, les chants gospel, et on va intégrer ça dans la littérature, dans le théâtre. C'est une renaissance vraiment multidisciplinaire. Multidisciplinaire. C'est un bouillonnement culturel, une rencontre, un développement de la littérature et une idée que le noir a sa culture. Oui. Et des lieux, évidemment, des théâtres qui vont devenir mythiques et célèbres aussi. Ça va commencer dans ces années de la Renaissance d'Harlem. Le théâtre Apollo, c'est dans ces années-là, je pense bien. Un peu plus tard, théâtre Apollo, dans lequel on va voir... le théâtre, c'est surtout de la musique. Hein, ouais. On va retrouver le rhythm and blues, la soul, où on va découvrir plein de talents. Des endroits aussi qu'on associe à la Renaissance d'Harlem et qui, dans le fait, le sont à moitié, comme le Cotton Club, où les musiciens en avant sont noirs, mais la salle est ségrégée, donc il n'y a que des clients blancs. Il y a ça aussi de ce moment-là. Mais c'est aussi des artistes blancs qui vont venir puiser à cette richesse-là. Je pense à Orson Welles, le grand cinéaste, mm-hmm. qui va venir monter ses premières pièces de théâtre, notamment une pièce de Shakespeare dans laquelle il va situer en Haïti. Mm. Donc, c'est un lieu de foisonnement qui va dépasser Harlem. En fait, il y a une partie de la Renaissance culturelle des Noirs qui va avoir lieu à Paris ouais. aussi à ce moment-là. Mm. Et puis, succédera donc à cette Renaissance, puis ça chevauche tout ça, mais à partir des années 40 jusqu'aux années 70, on l'évoquait un peu plus tôt, mais une pauvreté, c'est pas la pire période, ça viendra un petit peu plus tard, mais quand même, un quartier qui est durement éprouvé, il y a une pauvreté certaine à Harlem qui s'accompagne. On passe au fond de cette renaissance culturelle à la naissance de cette force politique très forte. Harlem va devenir un peu la capitale politique des Noirs des États-Unis, un militantisme très très fort qui va s'incarner dans Harlem. Oui. Déjà, dans le moment de la Renaissance culturelle, on avait eu la NAACP, qui était c'est la grande association militante noire, encore jusqu'à aujourd'hui, qui prend ses sources à Brooklyn et à Harlem. On a aussi Marcus Garvey, qui va militer pour le panafricanisme, le retour des Noirs en Afrique, à ce moment-là, qui va être très populaire, mm-hmm. des millions d'Afro-Américains qui vont être membres de son association. Et dans les années 30-40, c'est la misère à partir de la Grande Dépression qui frappe les conditions qui se détériorent énormément dans Harlem où il y a moins de capitaux investis, les beaux buildings hein, deviennent moins beaux avec moins d'entretien. Et cette misère-là fait que, particulièrement l'été, quelques étés, soit 35-43-64, la chaleur fait qu'il y a des émeutes. Ouais. très forte contre la brutalité policière, contre le manque d'emploi, contre les logements qui deviennent insalubres. Et à ce moment-là, il y a des grandes voix militantes qui vont sortir de ça. La figure la plus importante, c'est Adam Clayton Powell, qui est un ministre religieux de la plus grande église sur place et qui va faire une campagne de boycott en disant « N'achetez pas ou on ne vous embauche pas. » Donc, si on n'embauche pas de Noirs, on ne va pas acheter dans ces endroits-là. Il va devenir le représentant d'Harlem au Congrès pendant 20 ans. Malcolm X aussi sera à Harlem dans le temple numéro 7 pour la Nation de l'Islam ouais. durant son court passage dans cette église-là. Donc, des grandes voix du militantisme noir qui vont être associées étroitement à Harlem, à ce quartier. On poursuit un petit peu dans l'histoire d'Harlem. On se retrouve dans les années 70-80. Et là, c'est vraiment le fond du baril. La pire période, en fait, d'Harlem. Comment décrire, Maryse Bachand, cette désolation du Harlem des années 70-80? Toutes les villes américaines connaissent un déclin dans les années 70. Il y a des villes qui vont faire presque faillite. C'est un moment terrible parce que les gens qui ont les moyens, notamment les Noirs de classe moyenne, vont partir vers les banlieues et il ne reste que la pauvreté. Un peu de militants, mais beaucoup, beaucoup de pauvreté et l'afflux aussi de Noirs en provenance d'Afrique qui crée comme une désorganisation dans la communauté. Mais surtout la très grande présence de drogues, mais de drogues beaucoup plus dures que par le passé, notamment l'héroïne. Et les grands héros de Harlem dans les années 70, ce sont les rois de l'héroïne, auxquels on a des temples, des murs de graffitis qui leur sont dédiés et qui règnent parce qu'ils fournissent de l'argent. Ils donnent de l'argent dans les communautés, même s'ils donnent aussi toute la misère. Les écoles sont fermées, les hôpitaux, les casernes sont fermées et tous ceux qui peuvent quitte le quartier. Dans les années 80, c'est 65% du capital immobilier qui est possédé par la ville parce que les gens n'ont pas payé leurs taxes municipales. Ouais. C'est des terrains vacants, c'est des arbres qui poussent sur les toits des maisons qui ne sont pas entretenus. C'est des pâtés de maisons entières qui sont des cours à scrap, comme on dit en bon québécois. Et c'est vraiment une certaine désolation. Et en même temps, l'émergence du hip-hop, une culture forte. Le théâtre Apollo qui demeure un lieu important. Après, bon, il s'est fermé brièvement entre 76 et 84, mais par la suite qui reprend son rôle. Mais c'est vraiment la désolation. Oui. Ça va se terminer. Cette grande période de noirceur, ça commence à... En fait, on revient un petit peu aux racines du quartier. Il y a le retour d'un certain embourgeoisement à partir de la fin des années 80. Ça sent mieux, petit à petit, d'année en année. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique ça? Une très grande volonté politique des citoyens du quartier qui sont là depuis longtemps, des pasteurs, mais aussi des communautés, d'améliorer la situation. On a tellement connu le fond. Mais aussi des maires de New York, des espèces de plaies béantes juste sur l'île de Manhattan, une espèce de quartier très difficile. C'est difficile On veut l'améliorer, donc on va apporter des améliorations, plus de policiers, avec un problème, bien évidemment, de contrôle des hommes noirs en particulier, qui est toujours problématique, mais en même temps, on voit le taux de criminalité chuter de façon drastique, hein, deux tiers du taux de criminalité qui baisse. On va réinvestir dans la collecte des ordures, planter des fleurs dans le quartier. Donc, progressivement, le quartier s'améliore un tout petit peu. Mm-hmm. Et progressivement, quelques familles de la classe moyenne aventureuse ont commencé à venir. Des pauvres, un peu moins pauvres, en particulier des communautés latino qui vont venir s'installer, qui ont toujours été un peu là, mais qui vont devenir de plus en plus nombreuses. Et c'est la gentrification progressive de la partie sud d'Harlem qui correspond à celle qui est proche du parc, du Central Park, où on va voir 20 % de familles blanches aujourd'hui. Et ce quartier-là s'appelle SoHa, South Harlem, et ça devient un quartier recherché par certains, mais ça demeure un quartier de limite, de marge, mais ça crée un renouveau. Il y a un métissage, au fond, parce que population latino, population blanche qui revient à Harlem, et ça, ça va contribuer donc à cet embourgeoisement. Comment ça se passe, cette transformation d'Harlem? Comment les gens qui sont à Harlem depuis tout le temps reçoivent ces nouveaux arrivants, si je puis dire? Bien, comme ici, les nouveaux arrivants ont mauvaise presse. Hein. C'est toujours... c'est clair que le prix des logements, à partir du moment où il y a une gentrification, le prix des logements réaugmente. Mais dans le cas d'Harlem, ce qui est bien, c'est qu'une grande, grande partie de la communauté plus ancienne vit dans des logements sociaux. Mm-hmm. Et tandis que presque dans toutes les villes américaines, les logements sociaux qui avaient été construits dans les années 30, 40, 50 ont été détruits, démolis, ceux d'Harlem sont devenus des seuls endroits qui étaient à peu près entretenus. Donc, ça devenait les logements les plus acceptables. Et ça demeure là que vivent aujourd'hui 20 % de la population de Harlem. Donc, la ville a compensé, a compris ça. Oui. Puis, oui, c'est pas parfait le traitement des Noirs aux États-Unis, mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu d'investissement constant de certains groupes pour cette communauté-là. Ouais. On boucle la boucle, Maryse Bachand. Je disais tout au début de l'émission, c'est un des quartiers probablement les plus célèbres au monde, les plus connus au monde. En même temps, ce nouveau Harlem dont on parle, j'ai l'impression qu'un peu étrangement, un des quartiers qu'on pense le mieux connaître est peut-être en train de devenir un des quartiers les plus mal connus, finalement, des États-Unis. Oui, et en fait, c'est toujours... aujourd'hui, il y a 800 000 touristes chaque année qui viennent visiter le quartier, notamment en faisant des tours de bus là, dans lesquels on leur présente le Harlem presque de la Renaissance des années 30. On vient voir un ghetto qui, dans les faits, n'existe plus parce qu'aujourd'hui, Harlem, ce n'est plus que le ghetto des Noirs. Il y habite des Noirs, mais ils sont là avec une importante population latino, une importante population blanche et beaucoup d'autres gens. Mm-hmm. Il y a encore des transactions de drogue en pleine rue dans la pointe nord de Harlem, mais c'est un quartier qui a vraiment beaucoup changé. Maryse Bachand, professeure d'histoire américaine à l'Université du Québec à Trois-Rivières, merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.